La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelle philosophie pour l'innovation ? Le verbe innover n'est pas né de la dernière pluie, puisqu'il remonte au XIVe siècle. Il dérive d'innovare, qui signifie renouveler en bas latin. Ce verbe fut d'abord utilisé par les juristes, dans le sens d'ajouter une clause dans un contrat déjà établi, avant de désigner plus généralement le fait d'introduire une nouveauté dans une chose préexistante, dans le but de la rendre pérenne. Mais c'est à un philosophe, Francis Bacon, que l'on doit le premier usage du mot « innovation » en rapport avec les sciences et les techniques. Dans un chapitre de ses essais de morale et de politique, publié en 1625, Bacon démontrait la nécessité d'innover. « Chaque médicament, écrit-il, est une innovation, et celui qui ne s'applique pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux maux. Car le temps est le plus grand corrupteur, et s'il change les choses pour le pire, et que la sagesse et le conseil ne les modifient pas pour le meilleur, quelle sera la fin ?» Fin de citation. En somme, nous dit Bacon, le temps qui passe jouant contre nous, la recherche de l'innovation devient une nécessité si l'on veut contrecarrer ses effets corrupteurs. Cependant, l'innovation présentant toujours le risque d'aggraver les maux, Bacon recommandait d'avancer prudemment, presque insensiblement, au rythme du temps même. Aujourd'hui, le mot innovation est dans toutes les bouches et à l'agenda de presque toutes les politiques de recherche. Dès lors, convient-il de revisiter son sens ? Autre question, par quoi la philosophie pourrait-elle nous aider à repenser l'innovation qui semble a priori si loin d'elle ? Pour traiter ces questions, j'ai invité un philosophe, Xavier Pavy. Bonjour. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes professeur à l'ESSEC Business School et vous venez de publier au PUF un livre intitulé « L'innovation à l'épreuve de la philosophie ». Et vous mettez en exergue de cet ouvrage une phrase de Wittgenstein « La philosophie n'est pas une doctrine mais une activité ». Alors on ne peut être que d'accord avec ce jugement, mais c'est quand même une phrase assez vague. Alors quel genre d'activité est-ce la philosophie ? Je ne sais pas si on peut être forcément d'accord avec cette phrase-là, puisque la philosophie n'est pas forcément utilisée comme une pratique en tant que telle. Il faut dire que la philosophie comme mode de vie est probablement une philosophie qui date de l'Antiquité, et il s'avère que Pierre Hadot, le philosophe français, puis ensuite Michel Foucault également, a travaillé sur cette notion-là. Est-ce que la philosophie peut être un mode de vie et une activité en tant que telle ? Et en effet, cette notion importante de mettre en perspective les théoria, les discours, avec ce qu'on appelle la praxis en philosophie, c'est-à-dire la mise en œuvre. Et cette dimension-là est toujours importante d'avoir ce répondant, cet écho, entre d'une part la pensée réflexive de la philosophie, mais également la mise en œuvre pratique. Et si ça, effectivement, dans l'Antiquité, était une réalité, on avait les discours des anciens, mais il y avait également un mode de vie, un mode de comportement. On peut quand même se poser la question si peut-être ces dernières décennies, et peut-être même un peu plus parfois, la philosophie n'a pas été simplement qu'une pensée, qu'une réflexion, sans forcément un mode de vie. Qu'est-ce que vous a amené, Xavier Pavy, à vous intéresser à l'innovation en tant que philosophe ? Est-ce que c'est la fréquentation de gens qui sont dans l'innovation, dans cette école qui s'appelle l'ESSEC, qui est plutôt une école de commerce, enfin commerciale, ou est-ce que c'est la philosophie elle-même qui vous a conduit à traiter cette question dont on parle beaucoup? Alors, j'ai peur que la réponse soit un peu longue, donc je vais essayer de la faire relativement courte. Elle est d'abord un peu personnelle, puisque j'ai aussi une formation effectivement philosophique, mais j'ai une formation aussi en management, et j'ai travaillé aussi dans des entreprises, dans des organisations, et c'est la confrontation de mes expériences, de mes différentes expériences dans différentes sociétés, mais aussi la confrontation à la philosophie, qui à un moment donné m'a interrogé sur ce que nous faisons. Et qui fait quoi ? Le qui fait quoi m'intéresse, et même m'intéresse beaucoup, et plus particulièrement avec l'innovation, puisque l'innovation, vous l'avez dit, elle est dans toutes les bouches, beaucoup dans les centres de recherche, vous l'avez dit, elle est beaucoup dans les organisations, alors qu'en fait, elle est pas simplement à ces endroits-là, mais elle est absolument partout. L'innovation est en politique, l'innovation est dans les arts, l'innovation est dans le sport, l'innovation, elle est en permanence, même si elle n'est pas nommée telle qu'elle. Et puisque c'est de cette manière-là que le monde se fait d'une manière générale, je me suis intéressé par l'innovation à l'innovateur. Et l'innovateur, c'est celui qui fait et qui met en place. Et pourquoi il fait, pourquoi il met en place, c'est ce qui m'a intéressé. Et il s'avère qu'il y a des ressorts philosophiques derrière. Pourquoi je vais me mettre à agir de telle ou telle façon ? Pourquoi je vais accomplir ça ? Donc c'est ce mélange à la fois de mon propre parcours, à la fois d'un constat de ce qui est fait, que j'ai cherché à mêler les deux, l'innovation et la philosophie, en considérant que souvent c'est une sorte d'oxymore, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre innovation et philosophie, parce qu'on va dire il y a une société capitaliste de l'autre et création de produits, je caricature volontairement, et d'un autre côté une recherche de la sagesse, donc a priori il n'y a rien à voir ensemble. En fait, elles ont tout à voir ensemble, et on a probablement une nécessité de les confronter, de les mêler l'une avec l'autre, pour tout un tas de raisons, peut-être qu'on va développer un peu plus tard. Alors vous dites qu'il y a toujours de l'innovation, mais le mot a été, comme je l'ai dit, créé il y a très très longtemps, il y a plusieurs siècles, mais il a disparu. Je pense qu'au milieu du XXe siècle, le mot innovation n'était pas employé. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, on parlait d'invention, de découverte, d'application, mais pas d'innovation, on parlait de progrès aussi. Et il semble que le mot innovation ait remplacé dans les discours le mot progrès. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que ça correspond simplement à un remplacement d'un mot par un autre? Ou est-ce que la rhétorique de l'innovation est une rhétorique finalement assez différente de celle du progrès? J'ai parlé du vocabulaire juridique. L'innovation, c'était un avenant. C'est ce qu'il faut changer dans une chose pour que la chose ne change pas. Il y a quelque chose de conservateur dans l'innovation, qu'il n'y a pas forcément dans l'idée de progrès. Vous avez raison. Il faut simplement noter également que ce que l'on nomme n'est pas forcément le moment de son existence. Et l'innovation existe bien évidemment avant cela. Nous avons un Platon qui va nous dire que la nécessité est la mère des inventions. Donc on parle d'invention, pas d'innovation. Puis ensuite, vous avez effectivement raison sur le 15e siècle, vous avez raison sur cette évolution-là. Par contre, le 20e siècle va être l'endroit où le mot innovation va véritablement émerger. Et il va émerger à quel endroit? Dans les systèmes économiques. Il va émerger avec Joseph Schumpeter, qui va effectivement expliquer de manière très claire ce qu'est l'innovation d'un point de vue économique. L'exploitation, je le cite, l'exploitation industrielle des inventions, leur dissémination, leur réalité économique également. Et à partir de ce moment-là, on va s'apercevoir qu'il y a une différence notable entre invention et innovation. L'invention, c'est l'idée. L'innovation, c'est la réalité économique. La réalité économique, c'est le succès. Donc l'innovation, c'est pas la même chose que l'invention, même si parfois elle la suppose. Et vous donnez un exemple que j'ai trouvé passionnant dans votre livre à propos du sport, qui est un sujet un peu décalé de la philosophie a priori, mais vous parlez du Fosbury, ce saut qui a été inventé par quelqu'un d'autre que Fosbury. C'est-à-dire Fosbury, moi je croyais qu'il avait inventé ce saut, et en fait vous expliquez que non, il l'a emprunté à quelqu'un d'autre, mais il en a fait une innovation, au sens où il a gagné la médaille d'or des Jeux de Mexico grâce à cette technique. Quand Schumpeter parle de valeur économique, il y a une valeur qui peut être autre chose qu'économique, elle peut être artistique, elle peut être sportive. Oui, la valeur pour Fosbury, qui était champion du monde à l'époque, qui était champion des États-Unis, mais il n'était pas champion olympique. Et c'est ce qu'il voulait. Il n'est pas l'inventeur de la technique. Mais il avait été champion du monde avec le saut classique. Avec le saut classique, oui. Et pour essayer de créer une sorte de monopole, de situation sur laquelle il n'aura pas de concurrent, il a effectivement regardé ce que faisaient d'autres personnes, et un inventeur a effectivement inventé avant lui ça. Mais ce qui est très vrai dans l'invention et l'innovation d'une manière très générale, on parle évidemment des sociétés, des visionnaires comme Steve Jobs et autres, qui ne sont en rien des inventeurs, ce sont des innovateurs, pour une grande partie. Alors l'innovation aujourd'hui, elle a un côté très positif. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est un mot qui a longtemps été péjoratif, notamment dans le domaine de la théologie. L'innovation par rapport au dogme, c'est ce qui menaçait de devenir hérétique. Quand est-ce que vous situez dans l'histoire des idées le basculement d'une connotation, disons négative, vers une connotation positive de l'innovation? Elle a été même négative, pour aller dans votre sens, même un peu plus loin, puisque quand on commence à gagner de l'argent grâce à des inventions ou des mises en œuvre, elle reste encore un peu négative. Et le novateur n'est pas forcément effectivement quelqu'un qui est vu de manière positive. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est positive? Je pense qu'elle est positive parce qu'elle est souvent mélangée justement parfois avec la notion de progrès. Donc on disait tout à l'heure, elle est encouragée. Ah, définitivement. Il n'y a aucun doute. Elle est encouragée. De là à dire qu'il n'y a pas de critique, ce n'est pas sûr. On va dire qu'il y a des innovations inutiles, ce qui ne peut pas être vrai en soi, je l'expliquerai peut-être plus tard, mais il y a des innovations que l'on va dire, mais pourquoi est-ce qu'on a ça alors qu'on n'en avait pas besoin, par exemple? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous inventer ou de nous dire qu'il y a des créations de besoins, ce qui, encore une fois, n'est pas en soi possible? Cette dimension-là est importante parce que, tout simplement, il y a un discours commun qui montre que l'innovation, c'est le progrès et le progrès économique. En fait, c'est tout simple, c'est lié à Schumpeter. Schumpeter explique bien que pour pouvoir avoir une croissance économique, vous devez avoir de plus en plus d'innovation, de création de valeur. L'innovation va créer de la valeur, en l'occurrence financière, en l'occurrence économique, et grâce à ça, vous allez créer des emplois, et il va falloir de l'innovation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'innovation sans bien comprendre exactement ce que ça veut dire. On ne comprend pas bien. Est-ce qu'on confond invention et innovation d'une part? Est-ce que l'on comprend que innovation, c'est innovare, vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure. Mais attention, innovare, c'est composé avec les deux mots. In, à l'intérieur, ce que l'anglais va reprendre. Et puis novare, c'est le changement. Autrement dit, c'est le changement à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on doit changer à l'intérieur? Eh bien, on doit changer à l'intérieur, vous l'avez dit notamment avec les médicaments juste avant, pour survivre. Et c'est la seule raison. Ou s'adapter. Ou s'adapter. Mais l'adaptation, c'est pour survivre. De la même manière. Parce que nous avons un environnement qui change. Et là, on va commencer à poser quelques problèmes. Est-ce que moi, je veux vraiment changer? Souvent, on est d'accord pour le changement du moment que c'est les autres. Mais moi, est-ce que je veux véritablement changer? Probablement pas, ou en tout cas difficilement. Et on va opposer à cela une forme de résistance. La résistance vient toujours avec l'innovation également. Est-ce que je veux ou pas changer? On a plutôt tous une tendance naturelle à être conservateur, à pas vouloir changer. Bon, disons, à vouloir que certaines choses que nous avons connues restent en l'état et ne changent pas, donc. Absolument. L'enseignement du latin, ou bien la façon d'acheter les billets de train. Chacun a quelque chose à nommer dont il souhaite qu'il reste identique à ce qu'il a connu. Absolument. Ce qui fait que lorsque l'on parlait tout à l'heure de progrès ou d'évolution, selon la façon avec laquelle ça va être élaboré en termes de temps, on va être plus ou moins en train de l'accepter. J'aime expliquer cette notion d'innovation et d'innovare avec notre corps. La notion des dents de sagesse, par exemple, est quelque chose de très clair. Nous avons eu besoin des dents de sagesse pour pouvoir survivre. Maintenant, à l'intérieur de notre corps, innovare, nous n'en avons plus besoin. C'est même plutôt pénalisant d'en avoir, donc on les retire. Et la seule raison, c'est parce que notre environnement a changé. Notre nourriture a changé, l'accès à la nourriture a changé. On n'a plus besoin de manger, de malaxer les aliments tels que auparavant. Et donc, innovare, on le change. Là, on l'accepte de fait, nécessairement. Et il y a parfois des changements beaucoup plus courts, beaucoup plus radicaux. L'exemple des billets de train, vous avez raison. Internet, qui est une innovation que l'on peut dire paradigmatique, va changer de manière considérable notre façon de faire en une période de temps très courte. Et donc là, on est confronté à un changement violent, brutal. Alors, le billet de train, ça reste acceptable, mais parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais qui vient de l'extérieur, qui vient pas de l'intérieur. Mais qui vient de l'extérieur. Mais moi, à l'intérieur, je dois changer. Je dois arrêter d'aller... Donc on pourrait appeler ça une ex-novation, plutôt qu'une innovation. Bah, disons que le « in » n'est pas utilisé de la même manière, mais en effet, on pourrait considérer ça. Et je dois changer à l'intérieur, je dois maintenant acheter mon billet de train d'une manière différente qu'auparavant. Alors j'ai été déniaisé sur d'autres points en lisant votre livre, Xavier Pavie, parce que je croyais que Fosbury avait inventé le saut, vous m'apprenez que non. Je croyais que Schumpeter avait inventé l'expression « destruction créatrice ». En vous lisant, je découvre que non, c'est pas lui. C'est un certain Werner Sombart qui a proposé cette formule. Qui était-il ? Aussi un économiste. Ce qui est intéressant dans la notion de destruction créatrice, c'est qu'en fait, et c'est important aussi pour Joseph Schumpeter, l'un et l'autre, entre guillemets, ne sont que des économistes, ce ne sont pas des innovateurs en tant que tels. Et cette notion de destruction créatrice a une histoire intéressante. La notion de destruction créatrice, à un moment donné, on va la nommer dans l'économie, mais elle date de bien avant cela. Et même aux origines des temps dans lesquels on va avoir Dieu contre le chaos. Donc on a un chaos, une destruction, et puis Dieu qui va venir créer quelque chose. Et cette destruction créatrice va avoir lieu dans la philosophie, dans la religion, dans l'hindouisme par exemple. Et ces économistes-là vont repérer, en effet, qu'il y a de la destruction et de la création en même temps. Et ces économistes vont dire, regardez, quand on regarde les courbes, par exemple de Kondratiev, d'un autre économiste russe, quand on regarde les courbes qui évoluent, les cycles économiques, et bien on s'aperçoit qu'il y a des grappes d'innovation importantes au moment où nous avons des crises économiques. Et on a une destruction et une création. Et cette dimension-là, j'ai cherché à la regarder justement quand tout à l'heure je parlais des innovateurs, parce qu'il s'avère qu'elle s'applique à nous tous, la destruction et la création. Lorsque nous avons à faire des choix, lorsqu'il nous arrive des situations, lorsqu'on devons faire des choses, il y a une destruction et c'est qu'à partir de la création que nous pouvons commencer à nous mettre à créer. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi inverser la formule et parler plutôt de création destructrice plutôt que de destruction créatrice? C'est-à-dire qu'une innovation est une forme de création qui va détruire autour d'elle des choses qui perdent le jeu de la concurrence. Bah ça dépend de quel point de vue on se place. Parce qu'effectivement, certains peuvent dire la même chose à l'inverse, en fonction du point de vue dans lequel ils se placent. Mais en effet, il y a de la destruction et de la création. Mais le point principal dans ce qui est à souligner dans ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas les mêmes, généralement. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de destruction et de créatrice, ce n'est pas parce que vous détruisez, par exemple, une organisation de taxi, que ce sont eux-mêmes qui vont créer. Et c'est une société à côté, qui s'appelle Uber ou Grab ou je ne sais quoi, qui va effectivement créer. C'est très compliqué de s'auto-détruire et de créer en même temps. C'est souvent une force extérieur. Mais vous montrez que Werner Sombart, qui a donc inventé cette formule destruction créatrice, lisait de la philosophie, il était nietzschéen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez l'innovateur, il y a quelque chose qui relève de la volonté de puissance? Ou c'est d'autres références qu'il faut solliciter? Non, c'est bien celle-là. C'est la référence pour l'innovateur. Il y a plusieurs choses derrière. Il y a effectivement la volonté de puissance. Et la volonté de puissance, c'est qu'est-ce que je veux faire en dehors des règles, en dehors des normes. Et ce qui est important, ce n'est pas être à l'encontre des normes ou à l'encontre des règles. C'est simplement que l'innovateur va à l'endroit où il n'y a pas de règles. Donc ce n'est pas contre les règles. L'innovateur n'est pas contre les règles. L'innovateur est en dehors de cet espace qui peut être des règles. Il y a une autre formule de Nietzsche qui est particulièrement importante, qui est protéger le faible contre le fort. Le fort, c'est l'innovateur. Parce que le fort, c'est celui qui va avoir une idée, c'est celui qui va proposer quelque chose. Le faible, c'est celui qui ne veut pas changer. Souvent, le faible va être la masse, va être ceux qui ne veulent pas changer. Le fort va être la minorité, ceux qui veulent faire évoluer les choses. Et les forts se trouvent du côté de celui qui veut proposer quelque chose pour pouvoir survivre, proposer quelque chose de différent. Quand vous regardez une entreprise comme Amazon ou Uber, par exemple, à leur création, ce sont des toutes petites entreprises, ce sont des petites start-up qui ne valent rien, quasiment rien, qui auraient pu être détruites, tout simplement. Et puis, vous avez les mastodontes de la distribution, les mastodontes des organisations de taxi, pour reprendre le même exemple, qui sont effectivement très importantes. Eh bien, en fait, celui qui va avoir l'idée de faire différemment, de faire autrement, c'est effectivement le fort. Et protéger le fort contre le faible, c'est protéger celui qui va avoir l'idée contre ceux qui ne veulent pas que ça bouge. Associé à cela, effectivement, cette notion de volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, c'est la volonté de faire quelque chose, quand bien même je vais avoir tout un tas de forces contre moi. Dans la philosophie nietzschéenne, vous allez avoir les plantes, par exemple, les plantes qui peuvent se mettre à pousser dans des endroits rocailleux, dans des endroits de béton, etc. Eh bien, cette notion-là est propre à l'être humain également, de dire comment je vais aller développer quelque chose. Et c'est la volonté de puissance qui, quand bien même tout est contre moi, je vais quand même le faire. Avec l'idée que si on ne développe pas, on stagne et même on recule. On doit constamment se mettre en mouvement pour avancer dans sa propre condition. Pour une raison particulière, c'est que de toute façon, l'environnement évolue. Donc en fait, si vous êtes dans un environnement protégé, vous n'avez a priori pas besoin d'innover. Si vous êtes dans un endroit, un gouvernement qui va protéger un service public, qui va protéger une société, par exemple, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes avec Fosbury, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous n'avez pas de concurrent, vous pouvez toujours continuer à sauter avec la position ventrale. Il n'y a pas de problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'il y a d'autres concurrents qui vont arriver. Et à ce moment-là, vous pouvez continuer de sauter en ventrale, mais d'autres sauteront plus fort et plus haut que vous. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Xavier Pavie, vous consacrez plusieurs pages à un philosophe espagnol, Ortega y Gasset. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire d'innovation? Est-ce que c'est parce qu'il a distingué ce qu'il appelait l'homme masse de l'homme minoritaire? C'est un peu ce que vous expliquez là, à savoir qu'il y a une masse, entre guillemets, qui vient s'opposer au changement qu'implique l'innovation pour la société. Oui, en fait, ce n'est pas forcément que je défends ses idées. J'essaie simplement de montrer, à la fois avec lui, à la fois avec une autre philosophe, Ayn Rand, qui est une philosophe américaine d'origine russe, qui sont deux auteurs assez intéressants, qui vont expliquer la façon avec laquelle les innovateurs, face à la masse, face à ceux qu'ils ne veulent pas changer, comment ils vont être portés, justement, c'est dans le même chapitre et le même esprit, être portés par une volonté de puissance et une volonté de faire les choses. Avec, effectivement, encore une fois, des idées qui sont radicales bien souvent pour l'un et pour l'autre, en disant qu'il y a des hommes qui sont au-dessus des autres. Hommes, au sens très large du terme, bien évidemment, des humains, des individus humains qui sont au-dessus des autres. Et ces individus au-dessus des autres-là qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser parce qu'ils font des choses. Et cette dimension-là est très importante. L'homme minoritaire est l'homme qui ne fait pas. L'homme qui subit est l'homme qui va stagner, qui va rester et se complaire dans cette l'homme masse. L'homme majoritaire, plutôt. Oui, l'homme majoritaire. L'homme masse. L'homme masse. L'homme minoritaire est celui qui va au contraire faire les choses. L'homme majoritaire en termes de masse, effectivement, est celui qui va se complaire, qui va stagner, qui va rester dans sa façon de vivre. Et qui va résister. Oui, dans cette stagnation, une partie d'entre eux peut résister, en effet, mais de toute façon va s'opposer au changement. Alors que, effectivement, l'homme minoritaire, lui, va effectivement vouloir créer quelque chose. Et dans le livre un des plus, probablement le plus influent après la Bible aux États-Unis, qui est La Grève, Atlas Shrugged, qui a été écrit par Ayn Rand, on retrouve les mêmes propositions. qui est des entrepreneurs vont faire les choses et on va avoir des personnes, une majorité, une masse de personnes qui ne veulent pas le changement, qui ne veulent pas faire les choses. On peut appeler ça le gouvernement parfois. Cette femme a quand même des thèses assez radicales. Elle a écrit un livre qui s'intitule « La vertu de l'égoïsme » et elle s'inspire directement en le radicalisant d'Emerson, autre philosophe que vous citez, qui est la référence aux États-Unis. Oui, mais parce que il y a des dimensions très importantes de langage à comprendre. Et il faut comprendre que quand Emerson parle d'individualisme, puisque c'est le mot qui est employé, donc là on est vraiment dans la même ligne de tout à l'heure, c'est-à-dire l'innovateur, la volonté de puissance, le protéger le fort contre le faible, vouloir faire des choses, accomplir des choses, on est exactement dans ce propos avec Emerson. Emerson va parler d'individualisme. Alors effectivement, ça a été traduit pour Ayn Rand, je fais une référence à Ayn Rand avec la notion d'égoïsme, mais l'individualisme, individualism en anglais, n'est pas selfish, ce n'est pas l'égoïsme. C'est l'individu qui veut faire quelque chose, qui veut créer quelque chose. Si on a confiance en lui. Alors ça, ça va être le pourquoi. Si vous avez une somme d'individus, et cette somme d'individus va vouloir créer des choses, l'ensemble va faire la société. Va créer la société avec une multitude d'individus qui, les uns et les autres, vont faire quelque chose. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi et comment je vais me mettre à faire quelque chose? Eh bien, tout simplement parce que j'en ai la responsabilité et je donne une confiance en soi. Si j'ai confiance en moi, alors je vais me mettre à créer des choses. Cette dimension d'Emerson est très importante à cette période de fin et début du 19e siècle aux États-Unis. Et à mettre en perspective avec d'autres types de politiques qui peuvent être des politiques beaucoup plus collectivistes, dans lesquelles vous allez non pas avoir des individus, mais des collectifs, et les individus vont, entre guillemets, subir ou suivre une politique collectiviste. Même logement, même éducation, même nourriture, même façon de vivre, etc. Et on va avoir deux façons de penser, une façon qui est tournée vers l'individu, vers l'entrepreneur, globalement du côté plutôt occident-américain, et puis une autre société... Plutôt de l'URSS de l'époque, avec une société beaucoup plus collectiviste. Il n'y a pas derrière ça une notion de valeur, il y a une notion simplement de choix et de mode de vie. Est-ce que ça veut dire que l'innovateur, par essence, n'est pas un très grand démocrate? Pas du tout. Absolument. C'est pas un grand démocrate. Parce qu'il pense avoir raison. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parfois de façon un peu radicale. Il y a une phrase de ce livre, La Grève, de Ayn Rand, que vous citez. Je jure sur ma vie et sur l'amour que j'ai pour elle de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour moi. Oui, c'est absolument... C'est une sorte de politique radicale du laisser-faire. C'est une politique radicale du laisser-faire, c'est une politique radicale de l'individu. Elle n'est pas contre, forcément, le gouvernement. La question est, le gouvernement n'est pas là pour faire à la place des autres, et les autres ne sont pas là pour moi, et je dois, moi, réussir à faire sans forcément compter sur les autres. Donc effectivement, c'est une politique libérale, et cette politique libérale se retrouve évidemment chez les innovateurs. Mais il ne se retrouve pas chez les innovateurs pour se dire... je peux gagner autant d'argent que je veux, je peux faire ce que je veux. C'est parce que tout simplement, les innovateurs sont dans des situations dans lesquelles ils repèrent des problèmes, ils repèrent des choses à faire et ils veulent les accomplir. Et ils vont s'opposer justement à tous ceux qui vont être à l'encontre de cela. On a dit tout à l'heure que le mot innovation a remplacé le mot progrès. Est-ce que c'est pas le moment d'écouter une chanson que vous avez choisie, Xavier Pavie, La complainte du progrès de Boris Vian? Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Vous n'aviez pas vu, vous avez choisi Boris Vian, qui est mort il y a 60 ans, à l'âge de 39 ans, comme Blaise Pascal. Bon, le choix s'imposait d'une certaine façon, mais ouais. Vous me disiez que vous n'aimiez pas sa voix. Non, je trouve sa voix très très agréable, en effet, et en plus de ça, la chanson est faite de manière à entendre fortement sa voix. À un moment donné, à la fin des couplets, l'orchestre s'arrête et puis on entend sa voix. Bon, c'est juste des détails. La chanson est particulièrement intéressante parce qu'il est un inventeur de mots dans cette chanson. Il y a des objets qui n'existent pas. Il est intéressant à plusieurs titres. Il parle d'autrefois et maintenant, donc exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est autrefois comment ça se passait et maintenant ça se passe plus comme ça. Donc il y a une forme de résistance dans le texte de Boris Vian. De contradiction, il y a une question de nostalgie, il y a une question fortement d'innovation, de progrès. Le progrès, c'est la marche en avant hein, qui est mentionnée. Et c'est très ironique, c'est une critique de la société de consommation, c'est très ironique parce qu'on considère que le progrès, c'est effectivement avoir une accumulation de choses, quand bien même il y a des chagrins d'amour derrière. Il était ingénieur, diplômé d'école centrale. Il a écrit une chanson qu'on a souvent écoutée à la conversation scientifique sur la bombe atomique. Ouais. Et on peut rapprocher ce qu'il dit de cette phrase de Marcel Pagnol que vous citez. Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par la machine à coudre et ça finit par la bombe atomique. Ouais, c'est exactement sa chanson sur la bombe atomique. Alors revenons à l'innovation, à vous écouter et à vous lire, surtout on voit qu'il y a une sorte d'ambivalence parce qu'à entendre certains discours, on a l'impression que l'innovation doit prolonger les cycles en cours, soutenir les structures existantes et rendre notre mode de vie durable. Mais à entendre d'autres discours, elle doit au contraire ouvrir des voies radicalement neuves, substituer des techniques inédites à celles héritées du passé et révolutionner nos sociétés. Et donc il y a une sorte d'ambivalence et on a l'impression que finalement, il y a là une sorte d'injonction paradoxale. Il faut que tout change pour que rien ne change, pour citer la phrase célèbre du Guépard. Disons que nous n'avons pas le choix que d'innover pour survivre. Et le fait de refuser l'innovation n'est pour moi pas forcément un choix. Et la question c'est comment est-ce qu'on gère l'innovation ? Moi, j'ai posé la question parce que, comme vous le savez mieux que personne, l'Union européenne a décidé pour 2020 de devenir l'Union de l'innovation en remplacement de la société de la connaissance qu'elle voulait devenir auparavant avec le traité de Lisbonne. Mmh. Et quand on lit le texte qui annonce cette mutation, on voit qu'il est dit que la société européenne est soumise à de multiples défis. Le vieillissement de la population, raréfaction des ressources, problèmes de climat, etc. Et elle a compris que sans l'innovation, elle ne pourra pas relever ces défis. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui sert de référence à l'action et non pas une certaine idée du futur qu'on envisagerait d'atteindre par un travail qui serait orienté vers l'accomplissement de cette configuration désirable, attractive qu'on voudrait réaliser pour plus tard. C'est une belle démonstration de ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que qui que nous soyons, quoi que nous soyons, nous avons besoin de comprendre l'environnement et en fonction de ça, de s'adapter. C'est ce que fait effectivement l'Union européenne. Est-ce que c'est pas un peu trop tard par rapport à ses différentes forces? Et la différente force, elle est évidemment asiatique. Elle est américaine, bien sûr, dans ses différents investissements, mais elle est considérablement asiatique. L'Asie est le numéro un mondial des investissements en recherche et développement, notamment la Chine, mais pas que. C'est valable pour la Corée également et tout un tas d'autres pays qui investissent considérablement. Et l'Europe se retrouve finalement dans une situation où elle a été extrêmement innovante, extrêmement pertinente en termes d'innovation, mais c'était il y a un siècle. Mais la rhétorique que j'ai citée là, c'est plutôt une rhétorique qui ressemble à celle de Francis Bacon, c'est-à-dire l'idée que le temps est corrupteur. Le temps abîme les situations et il faut donc, par l'innovation, empêcher que le monde se défasse, alors que la rhétorique du progrès, celle des Lumières, s'appuie plutôt sur un temps constructeur, complice de notre liberté, complice de notre volonté, et sur lequel on peut compter pour changer la société dans un sens favorable. Est-ce qu'on a renoncé à cela ? Est-ce que l'idée de progrès est morte, ou est-ce qu'elle s'est reconfigurée sous un horizon à court terme, parce qu'on est incapable de prédire l'usage que nous ferons des mutations en cours ? Je pense que c'est plutôt cette seconde proposition, mais surtout que nous sommes perdus. Nous sommes perdus face à la notion justement d'innovation qui a pour conséquence, comme je disais tout à l'heure, en tout cas c'est les théories économistes, notamment de Schumpeter, qui va être le progrès économique va me donner de l'emploi, l'emploi va me donner finalement une possibilité d'avoir un pouvoir d'achat ou en tout cas une tranquillité politique de la part des gouvernements d'une manière très générale. Alors que côté de ça, vous avez une recherche de progrès et que l'on pourrait appeler également une recherche de bien commun. Et là, effectivement, il y a une contradiction dans les termes. Une contradiction, en tout cas, politique possible. Parce que le fait de rechercher le progrès n'est pas forcément compatible avec une recherche d'innovation court-termiste. Et quand vous êtes à la tête d'un pays, finalement, qu'est-ce que vous voulez faire si ce n'est être élu le plus rapidement possible, le plus vite possible, et se garantir ça, et bien vous allez privilégier effectivement l'innovation et pas forcément le progrès. Et il y a une opposition très claire entre les deux. Vous citez Oscar Wilde, le progrès n'est que l'accomplissement de nos utopies. Alors moi, j'avais plutôt l'impression que le progrès est en rupture avec l'utopie. C'est-à-dire que pour croire au progrès, il faut d'abord considérer qu'on peut configurer le futur d'une façon crédible. Donc c'est pas la même chose que l'utopie, il faut tracer un chemin. Et attractive, de sorte qu'on accepte d'accomplir les sacrifices qui sont nécessaires pour que le progrès soit réalisé. Oui, parce qu'en fait, il y a un mot que l'on peut ajouter pour essayer de comprendre ces différences de degrés, c'est la notion de désintérêt. Et la notion de l'intérêt pour l'innovation aujourd'hui dans nos structures, elle est financière. Quand bien même, nous avons dit au début de l'émission qu'elle pouvait être sportive, artistique, etc. Et nous avons un grand nombre d'exemples d'innovation où il y a une création de valeur non financière. Mais aujourd'hui, la notion d'innovation est intimement liée à la notion financière et de profitabilité et de rapidité vis-à-vis donc de ça. Donc il faut rencontrer un marché quand on... Ah ben, très clairement, il faut rencontrer un marché pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Et cette notion-là, elle est court-termiste et elle ne pense pas un progrès, un bien commun de manière désintéressée, ce qui est nécessaire pour nos civilisations. On n'est même pas capable de dire ce que nos sociétés feront en termes d'usage des innovations qu'on lui propose. Non, il est impossible de prévoir vers quelle finalité nous tendons par l'innovation. Mais plus que ça... Comme s'il n'y avait pas de projet, autre que celui d'innover. Absolument, Étienne Klein, mais combien, et même l'innovation en tant que telle, combien vous avez d'organisations qui vont dire « voilà l'innovation à venir ». Mais ce qui est une erreur, ce qui est une contradiction dans les termes, puisque nous ne savons jamais si oui ou non ce que nous mettons sur un marché, ce que nous voulons mettre en œuvre, même une loi par exemple, est-ce que oui ou non elle va être véritablement appliquée, elle va créer cette valeur-là. Nous n'en savons vraiment rien. Il y a une sorte de déclaration autoproclamée de l'innovation, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais est-ce que ça ne provoque pas une certaine angoisse qu'on essaie de pondérer en inventant un terme sur lequel vous revenez longuement dans votre ouvrage, qui est celui d'innovation responsable ? Comme si on demandait à l'innovateur d'être capable de dire ce en quoi son innovation va changer la société. Quand j'utilise le mot innovation responsable, ça va être pour une finalité qui est seul l'innovateur peut savoir les conséquences de ses innovations. Mais pas toujours. Ah, pas toujours, mais en tout cas, c'est lui qui est le mieux placé. Quand aujourd'hui, vous avez un scientifique qui va utiliser des nanotechnologies, par exemple, la personne la mieux placée pour savoir les conséquences de la nanotechnologie, c'est celui qui va les utiliser. Ce n'est pas mon père, ma mère ou... Mais on peut toujours objecter à ça que, par exemple, les deux ingénieurs du CERN qui ont inventé le web n'avaient aucune notion de ce que ça allait enclencher comme révolution dans le monde entier. Il voulait simplement permettre de transférer les données recueillies par les accélérateurs du CERN dans tous les laboratoires du monde. Oui, on passe ce qu'on appelle une sorte de gap, le gap de Moore. Et le gap de Moore, c'est effectivement, à un moment donné, l'innovation n'appartient plus à l'innovateur. Elle est complètement libérée et les individus vont en faire l'usage qu'ils en veulent. C'est effectivement un risque. C'est un risque pour... Mais c'est plus qu'un risque, ça a l'air d'être un fait. Paul Valéry disait déjà, l'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. Et donc ça, c'est une sorte de constat qui empêche qu'on puisse demander à l'innovateur d'être responsable de toutes les conséquences de ses actions. La question qu'on doit se poser, c'est si ce n'est pas ça, qu'est-ce que l'on fait ? Et cette dimension-là est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez des techniques, des développements tels que l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas dire, bah, puisque nous savons pas véritablement les conséquences, on fait mais tant pis. Ça marche pas. Nous avons besoin d'avoir une dimension qui est celle du dialogue, qui est celle de la compréhension, qui est celle de l'évolution des différentes techniques, et les évaluer au fur et à mesure et se mettre d'accord sur un projet de société. Il n'y a pas de raison de s'opposer à l'innovation. Par définition, ça ne fonctionne pas. Et dans une situation mondialisée dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas dire, ah bah tiens, moi, France, j'ai mes frontières et au-delà de mes frontières, il n'y a pas de gestation pour autrui, par exemple, il n'y a pas d'intelligence artificielle pour telle raison, etc., etc. Ça ne fonctionne pas. Par contre, la question, c'est de se dire, dès lors que nous sommes sur une même planète, dès lors que nous respirons le même air, dès lors que nous avons les mêmes enjeux, que nous soyons en Chine, aux États-Unis ou au Pérou, eh bien finalement, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons pas nous mettre d'accord sur des projets concernant ce que nous faisons? Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle concerne tous les individus du monde où qu'ils soient. Eh bien, la responsabilité de l'innovateur sur l'intelligence artificielle, c'est justement de poser ces questions-là et de ne pas se dire on verra bien les conséquences que ça peut avoir. Nous avons une responsabilité en tant qu'innovateur. Oui, mais en même temps, il y a 10 ans, personne n'aurait pu prévoir ce qui se réalise aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. Et donc, toutes les prédictions sont en général démenties par la suite de l'histoire. Est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir 10 ans? 10 ans peut-être. L'efficacité du deep learning, par exemple, des réseaux de neurones, a dépassé ce qui était attendu. Non. La réponse est donc, comment peut-on faire pour intégrer de la responsabilité dans ceux qui font? Parce que finalement, c'est là où il faut en venir. Que vous me disiez, il y a un certain nombre de scientifiques qui travaillent sur un grand nombre de développements techno-scientifiques et on ne peut pas véritablement savoir ce qu'on peut en faire ou les conséquences que l'on peut avoir. Qu'est-ce qui va se passer de manière très concrète? Il va y avoir ce que l'on peut appeler une sorte d'écrasement entre la pensée et le faire. L'écrasement entre la pensée et le faire, il y a des phénoménologues qui ont travaillé sur le sujet, hein, Michel Henry parle d'écrasement de cette manière-là. Eh bien, lorsque vous avez un écrasement entre la pensée et le faire, vous n'avez plus la réflexion de ce pourquoi vous faites ce que vous faites. En conséquence de quoi, vous vous trouvez dans une situation où vous faites possiblement n'importe quoi. Mon propos, notamment dans cet ouvrage-là, mais mon propos d'une façon générale en tant que professeur, c'est justement d'écarter cet espace entre le faire et les conséquences du faire. Entre le faire et les conséquences du faire, ou même la réflexion, c'est d'intégrer dedans, je vais le dire de manière un peu naïve ici, mais on pourra y revenir en détail, c'est de l'éducation. L'éducation que je vais qualifier un peu plus en disant de la philosophie. C'est-à-dire que c'est le manque d'éducation, en l'occurrence le manque de philosophie, qui va faire en sorte que les innovateurs sont écrasés par ce qu'ils font. Ils sont écrasés par ce qu'ils font et ne pensent même plus. Je ne pense pas les conséquences du deep learning. Je ne pense pas les conséquences de l'imprimante 3D. Je ne pense pas les conséquences de l'intelligence artificielle. Je fais parce que cela est possible. Pourquoi ça n'était pas possible auparavant de faire comme nous faisons aujourd'hui? Mais pour plusieurs raisons. Vous voulez créer des laboratoires de philosophie dans les entreprises innovantes? C'est peut-être trop tard. La question, c'est plutôt comment essayer de mettre de la philosophie avant dans la tête de ceux qui sont dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, etc. La question est, pourquoi est-ce qu'on en a plus besoin maintenant qu'avant? La réponse, elle est assez simple. Lorsque vous travaillez sur les questions du vivant, par exemple, pendant des décennies, peut-être même quelques siècles, nous avions la mainmise des églises, par exemple, qui interdisaient cela. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je disais que nous étions dans une situation dans laquelle, effectivement, on dit non, on ne doit pas toucher à ça. Une autre raison. Techniquement, on en était de toute façon incapable. On était incapable de regarder, travailler, questionner l'ADN et jouer sur les fibres de l'ADN en tant que tel. Donc, finalement, on pouvait avoir des espoirs, on pouvait avoir des espoirs à la Paracels, on pouvait avoir des espoirs à toute ces techniques de l'ordre de la philosophie, y compris déjà depuis l'Antiquité. Sauf que là, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, nous pouvons faire, et les églises n'ont aucune main mise sur ces situations. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on ne fait rien sous couvert que nous n'avons plus, je mets des guillemets, de valeur morale? Ou est-ce qu'au contraire, nous devons réinjecter une forme de moralité, encore une fois, je mets des guillemets, j'appellerais plus ça de la philosophie, auprès des individus qui font les choses? Et c'est justement mon propos. Mon propos est de s'insérer dans la pensée de l'innovateur, du scientifique, pour qu'il ne soit pas écrasé par ce qu'il fait. Et en ce titre-là, effectivement, l'éducation à la philosophie, à ce pourquoi je fais les choses de cette manière-là, est pour moi fondamentale. Mais je reviens, et pour un peu vous titiller, Xavier Pavie, sur le fait que un scientifique, quand il invente une théorie, par exemple, n'a aucune idée des applications qui seront faites. Je donne deux exemples. En 1915, Einstein publie la théorie de la relativité générale, nouvelle théorie de la gravitation. Il n'a absolument pas les moyens, même s'il était accompagné de philosophes, de pouvoir deviner que presque, enfin moins d'un siècle plus tard, on utiliserait des corrections relativistes que cette théorie permet de calculer pour que les GPS qui sont dans nos voitures aient une précision de localisation qui soit suffisante. Quand Paul Dirac, en 1928, prédit l'existence de l'antimatière, il ne sait pas du tout, il n'a aucun moyen de savoir qu'un jour il y aura des caméras à positrons dans les hôpitaux. Mais la réponse, elle est relativement simple, si je peux me permettre. Ce sont des inventeurs, ce ne sont pas des innovateurs. Einstein est un inventeur. Ils sont en train de développer une théorie dont il n'y a pas d'application encore à ce moment-là. Donc ils sont dans l'invention, mais l'invention est relativement peu nuisible, il faut être clair. Le problème, c'est l'innovation, c'est-à-dire, comme Schumpeter va le définir, la question de la dissémination. Il va dire l'exploitation industrielle. Dès qu'on parle d'exploitation industrielle et de dissémination, c'est là qu'il faut se poser la question. Et les inventeurs sont, à mon sens, beaucoup moins dangereux que les innovateurs. Donc l'innovation responsable, et c'est pour ça que ce n'est pas l'invention responsable. L'invention responsable, elle est toute relative, elle est limitée. L'innovation responsable, elle peut être catastrophique. Mais vous êtes d'accord pour dire que s'il n'y avait pas d'inventeurs, il y aurait beaucoup moins d'innovateurs? Peut-être même pas du tout. Effectivement, les inventeurs sont effectivement à la source de l'innovation, c'est l'idée qui est à la source de l'innovation. Il n'empêche que la façon avec laquelle vous allez utiliser les inventions vont effectivement être beaucoup plus sensibles. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors revenons à la philosophie, Xavier Pavie. Moi, j'ai commencé par dire que je voyais pas trop le lien qu'il y a entre la philosophie et l'innovation. Et en vous lisant, je découvre que, d'après vous, c'est au contraire deux choses qu'il faut absolument corréler. Ne serait-ce que parce qu'entre le philosophe et l'innovateur, dites-vous, il y a des similitudes. Ils partagent notamment, le philosophe et l'innovateur, la solitude du héros. Vous y allez fort. Il n'y a pas que ça. C'est effectivement en travaillant sur cet ouvrage que, et comme je l'ai expliqué au début, j'ai cherché à regarder dans quelle mesure est-ce que l'innovation, la philosophie, les innovateurs, et puis la question des philosophes peut avoir des liens, où je me suis aperçu qu'il y a effectivement une corrélation et des points communs, j'en ai noté 7 différents, dans lesquels ils vont... Dont le mode de vie. Dont le mode de vie, mais un mode de vie qui est la solitude. L'innovateur est celui qui va décider seul, c'est celui qui va travailler seul. Il y a la question de l'ego, et les philosophes sont des égos surdimensionnés comme les innovateurs. Il y a la question toujours de l'échec, de la tentative, de l'essai, et alors, peut-être le plus fondamental, c'est le questionnement. L'innovateur est quelqu'un qui questionne. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Il va questionner en allant chercher des techniques nouvelles, des matériaux nouveaux. Il va essayer de créer quelque chose. Il questionne en permanence ce qui est existant. La philosophie depuis au moins Socrate, c'est une philosophie de questionnement. Mais ça ne permet pas pour autant de dire qu'il est dans la transgression, puisque toutes les politiques de recherche dont j'ai parlé réclament qu'il innove. Il est encouragé. Donc il est soutenu d'une certaine façon. Pas tout à fait d'accord. Si je peux me permettre, sa solitude est relative. Il est soutenu par des personnes qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Vous avez des politiques publiques qui clairement peuvent encourager des façons de pouvoir développer des techniques, de la créativité d'une manière générale, mais qui sont extrêmement loin de la réalité, de la paillasse. Alors, à propos du mode de vie, vous avez donné quelques éléments. Il y en a d'autres qui font cette qui justifie cette comparaison que vous faites entre philosophe et innovateur. Est-ce que vous, dans votre pratique de philosophe, vous avez l'impression parfois d'être un innovateur? Vous enseignez l'innovation dans une école qui est l'ESSEC. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs enseigner l'innovation, sachant que ça supposerait d'être au courant de tout ce qui est en train de se passer dans tous les domaines? Oui, c'est terrible. C'est une véritable angoisse. Quand je rentre dans une salle de cours... Il vaut mieux enseigner Socrate. Oui, on sait un peu plus. C'est une véritable angoisse. À chaque fois que je peux rentrer dans une salle de cours, il y a devant moi 30 ou 40 ou 50 étudiants qui ont vu des innovations toute la journée derrière que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas forcément, et qui peuvent poser des questions. Néanmoins, on peut trouver donc une façon de penser autrement ici à la fois l'enseignement et l'innovation au sein de l'éducation, qui est tout simplement de ne pas avoir une approche qu'on peut appeler descendante, mais une approche plutôt collaborative. Et on ne peut enseigner l'innovation, me semble-t-il, qu'avec une approche collaborative, avec des étudiants qui collaborent autant au cours que le professeur effectivement peut collaborer au cours. Donc on enseigne quoi ? On enseigne justement le comportement de l'innovateur. Il faut savoir que la façon avec laquelle on enseigne l'innovation ces 30 dernières années n'a quasiment pas changé et qu'il y a forcément besoin de changer. Elle n'a pas innové. Elle n'a pas innové. Et donc, il y a aujourd'hui une urgence de repenser la façon avec laquelle on doit innover. Parce que le monde, lui, a changé et donc le mode d'enseignement, en conséquence, doit changer. On innove de manière pédagogique, de manière très claire dans l'éducation, justement, en étant beaucoup plus collaboratif. Il y a eu un grand nombre d'innovations pédagogiques qui se sont faites. Et lorsque, effectivement, je suis professeur d'innovation, eh bien, je cherche, en tout cas, à innover aussi au sein de l'institution dans laquelle je suis, avec les étudiants que j'ai en face de moi. Mais est-ce que quand vous parlez d'innovation dans l'enseignement, vous pensez à quoi exactement ? Supprimer les amphithéâtres ? Rendre les cours plus collaboratifs, passer par le numérique, supprimer le présentiel, comme on dit, ou est-ce que c'est autre chose ? Dans les contenus, par exemple. C'est un peu tout ça. Mais la question est surtout comment aujourd'hui on peut essayer de faire en sorte que les étudiants qui sont face à nous sont porteurs d'un certain nombre de savoirs et comment est-ce qu'on utilise ces savoirs. La question, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est comment est-ce que l'on peut faire en sorte qu'un cours ne soit pas descendant, mais un cours soit très clairement collaboratif. Donc toutes les techniques dont vous venez de parler, ça peut être les cours en ligne, ça peut être les classes inversées, etc., qui sont des innovations, on les a pas qualifiées, mais on a trois types d'innovations, incrémentales, disruptives, paradigmatiques, par exemple, et bien ce sont celles-ci. Ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par le faire, est également quelque chose d'important et d'intéressant. Ce qui m'importe, je crois, le plus, c'est de valoriser, mais aussi de faire partager ce que les étudiants savent et leur avis. Nous ne pouvons plus enseigner en disant « la bibliothèque se trouve à cet endroit-là, tout se trouve dans les livres ». Les étudiants ont accès à un savoir, ce savoir-là est à mettre en place, peut-être même justement à challenger. Si l'on garde l'étudiant dans sa salle de cours avec son propre savoir qui peut être faux ou peut-être être tordu, eh bien c'est l'occasion pour le professeur de le mettre au centre et d'essayer de travailler avec. Mais en vous écoutant, Xavier Pavie, j'arrive pas à sortir d'une sorte d'ambiguïté. À la fois, l'innovation, telle que vous la présentez, relève d'une forme d'élan vital, de volonté de survivre. Et en même temps, elle a un petit côté mortifère. C'est-à-dire que, au lieu de viser un point désirable dans le futur, on nous explique que si on n'innove pas, on meurt. Donc, c'est une sorte d'obligation qui la rend presque triste. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut le faire pour échapper à un destin, comme le disait Bacon, qui serait fatal à long terme. C'est tout à fait juste. Là où on peut challenger le point, c'est que le futur n'est pas forcément un point triste. Le futur peut être aussi un point avec un autre type de mode de vie. Nous avons... Oui, mais le futur est réduit à une sorte de présent projeté, et non plus à quelque chose qu'on aurait discuté à l'avance. Oui, mais de manière très concrète, la façon avec laquelle les innovateurs doivent intégrer les difficultés du présent, et c'est bien celle du présent, peuvent nous donner justement un optimisme pour le futur. Et nous avons, je mets évidemment des parenthèses à tout ça, mais une sorte de chance ou d'opportunité de voir les conséquences négatives d'un présent pour penser à un meilleur futur. Et c'est très simple. Dans l'éducation, dans les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement. Nous avons l'occasion, justement, grâce à l'innovation, d'avoir un futur brillant. Alors, comment est-ce que vos étudiants reçoivent l'intrusion de la philosophie dans les cours sur l'innovation ? Est-ce qu'elle est bien accueillie ou est-ce qu'elle semble parasite ? Il y a plusieurs réponses à cela. Vous pourriez avoir une réponse qui est, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'innovation responsable il y a presque une dizaine d'années maintenant, il y avait quelque chose d'assez cynique, pour prendre un mot de philosophe, qui était de dire, lorsque vous êtes responsable, vous avez de meilleurs résultats financiers. Ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'on peut clairement regarder, je pense au Dow Jones Sustainable Index par rapport au Dow Jones Index, etc. Lorsqu'on compare les deux, les entreprises les plus responsables sont les entreprises les plus profitables. Et il y a un très grand nombre d'exemples. Donc on peut avoir cette optique-là en disant pourquoi vous devez intégrer une sorte de philosophie ou de responsabilité ou de morale dans votre entreprise, parce que vous allez être encore meilleur. C'est une morale conséquentialiste. Absolument. Donc on peut avoir ça. Ce qui m'a beaucoup dérangé finalement dans cette dimension-là, je la trouvais effectivement intéressante à la position rhétorique, mais dans les faits, pas. Ça n'a rien à voir avec l'éthique des vertus. Absolument. Donc, effectivement, on me trouvait un peu coincé avec cette dimension. Et donc, il y a une autre façon de faire qui est de dire pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et il s'avère que lorsque vous avez un certain écart d'âge avec vos étudiants, vous vous apercevez que... Qui augmente. Qui ne cesse d'augmenter, contrairement à l'âge des étudiants, qui lui, par définition, est constant. Vous vous apercevez que c'est peut-être vous qui avez des positions conservatrices à ne pas vouloir intégrer la philosophie parce que ça ne se faisait pas, parce que ça ne s'est pas fait. Alors qu'au contraire, il y a une demande de la part des étudiants en disant « Mais comment est-ce que je peux être un peu... morale, éthique, responsable par rapport à ce que je fais. Pourquoi est-ce que, je pense à un manifeste qui a été écrit par des étudiants il n'y a pas très longtemps, dans lequel français, donc qui a été signé par plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, qui a dit « Nous refuserons de travailler dans les entreprises qui sont irresponsables ». Eh bien, c'est une grande leçon pour les professeurs. Ça n'a pas été fait par des professeurs, ça a été fait par des étudiants. Et c'est un peu coupable de la part des professeurs, parce qu'on s'aperçoit que les étudiants disent « Arrêtez de nous enseigner ça pour travailler dans ce genre d'entreprise-là ». Parce que nous ne voulons pas faire. Donc il y a urgence, nous, professeurs d'innovation, à intégrer la philosophie si nous ne voulons pas être déconnectés, si ce n'est plus en âge, mais également sur le fond. Alors, il y a plusieurs chapitres de votre livre qui sont consacrés aux exercices spirituels. Je ne m'attendais pas à les trouver dans un livre de philosophie sur l'innovation. Oui, ça vient d'une vie antérieure ou c'est lié directement à notre sujet ? Les deux, en fait. Nous avons une situation qui effectivement est complètement dans le même temps et la même chronologie que j'ai expliqué depuis le début, mon propre parcours. Ma thèse de philosophie porte sur la réception des exercices spirituels antiques dans la philosophie contemporaine. Et ce point-là est déterminant. C'est-à-dire comment, dans cette thèse-là, j'ai cherché à montrer que les exercices spirituels qui datent de l'Antiquité peuvent être toujours présents aujourd'hui, dans notre époque contemporaine. Et c'est évidemment fondamental que ça doit être aux personnes de ceux qui font le monde d'aujourd'hui. Les exercices spirituels, c'est la capacité de travailler sur soi, la maîtrise de soi, la maîtrise des passions, la maîtrise de la fortune, la maîtrise de tout ce que l'on peut avoir. Eh bien, cette dimension-là est fondamentale. Notre quotidien aujourd'hui, Étienne Klein, vous le voyez bien auprès des chefs d'entreprise qui ont raté la maîtrise des passions, qui ont raté la maîtrise de soi. Aujourd'hui, par exemple, des entreprises dans le secteur automobile, par exemple, où on pourrait considérer qu'il y a des patrons qui, à un moment donné, la notion de maîtrise de soi a été complètement dépassée. Qui versent dans l'ubris. Par exemple. Et plus d'un côté que de l'autre, de manière très claire. Eh bien, ces exercices spirituels, dans l'Antiquité, la philosophie, c'est comment j'apprends à me comporter. Alors, effectivement, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'on va se mettre sur les exercices spirituels pour les innovateurs ? Eh bien, c'est justement auprès des étudiants, auprès des plus jeunes, et j'insiste sur le point que vous avez souligné tout à l'heure, oui, probablement qu'il faut travailler sur les exercices spirituels, y compris dans les laboratoires scientifiques, y compris dans des organisations. Mais alors, concrètement, ça peut prendre quelle forme ? Concrètement, dans un laboratoire ou dans un amphithéâtre ? Dans un amphithéâtre, c'est qu'est-ce que la maîtrise de soi et ce pourquoi vous travaillez ? Aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe en disant « je vais essayer de former les meilleurs étudiants possibles pour qu'ils travaillent dans les meilleures entreprises, pour qu'ils puissent générer les meilleurs profits possibles ». Et on ne se pose pas la question de la façon avec laquelle tout ça va avoir des conséquences et avec laquelle nous allons faire les choses. Il suffit de poser la question. Et pourquoi, toi, en tant qu'étudiant, tu vas vouloir travailler de cette manière-là, dans cette entreprise-là, et est-ce que c'est ce que tu veux faire ? C'est simplement une question de philosophie, du questionnement. Et la maîtrise de soi, de ses passions, la maîtrise de ce que je veux faire, a besoin d'être posée. En aucun cas, il y a un jugement de valeur derrière ça. Chacun fait ce qu'il veut, travaille comme il veut. Mais au moins, la responsabilité que nous avons, c'est de poser ces questions. Je continue d'être titillé par cette histoire d'innovation en relation avec l'idée de progrès. La question étant, est-ce que notre discours sur l'innovation rend justice ou non à l'idée de progrès ? Et tous les sondages le montrent, le rapport que nous avons à l'avenir devient très pessimiste. D'où vient, d'après vous, que l'avenir a brutalement pris pour nous la figure de l'ennemi et non plus de l'ami ? Est-ce que c'est l'impression que nous ne maîtrisons plus l'innovation ? On observe par exemple que le dicton « on n'arrête pas le progrès » semble avoir changé de sens. Avant, c'était une sorte de jugement moral. Le progrès est une bonne chose, il n'est pas bien de vouloir l'interrompre. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de jugement pratique. On n'a plus de maîtrise du cours des choses. La technologie nous emporte d'une façon qui n'est pas modifiée par ce que nous voulons. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Mais l'inconnu n'est pas nouveau. L'inconnu n'est pas nouveau, l'inconnu est même connu, si on peut utiliser cette formule. Entre 1890 et 1910, en France, nous avons Pierre et Marie Curie, nous avons Gustave Eiffel, nous avons Pasteur, nous avons les Frères Lumière, nous avons un très grand nombre de découvertes, de sciences qui vont bouleverser la société. Croyez-vous qu'à ce moment-là, il n'y a pas la même peur et l'inconnu de qu'est-ce qui est en train de se passer pour notre société? Il y a exactement cette situation. Il y a quand même beaucoup d'enthousiasme. Il y a donc un enthousiasme pour une certaine... On écrit le mot progrès avec une majuscule. Oui, mais vous avez ça aujourd'hui aussi par une certaine frange de la population. Il y a une grande frange de la population qui va effectivement encourager les innovations. Quand vous regardez les start-up, les incubateurs, lorsque vous regardez ces jeunes entrepreneurs-là, il y a effectivement un encouragement au progrès de manière très claire. Ce qui est aujourd'hui la peur du futur, c'est la peur de l'inconnu. Pourquoi elle est plus aujourd'hui, pour répondre très clairement à votre question, pourquoi elle est plus aujourd'hui que peut-être il y a quelques années? C'est tout simplement que ces 20 dernières années, et ça revient au point que nous avons déjà souligné, ces 20 dernières années ont été un bouleversement technique et technologique tel que nous ne l'avons pas eu auparavant. Internet, ça a 20 ans, ça n'a pas plus que ça. Eh bien, ça a eu un bouleversement considérable. Quand vous regardez une personne de 80 ans, quand vous regardez son espace de vie, les technologies ont complètement bouleversé. Et on est en train de se dire, mais bon sang, c'est quoi le futur? Compte tenu de la rapidité, de la technicité, de la complexité des objets qui sont arrivés sur notre mode de vie, comment va être le futur? Eh bien, on n'en sait rien. Et l'inconnu, effectivement, mais c'est pas un effet qui vient aussi du fait que le discours scientifique a changé sur beaucoup de questions. Par exemple, quand on interroge des scientifiques sur l'énergie, le climat, la biodiversité, ils tiennent des propos à partir de la connaissance qui sont plutôt négatifs et catastrophiques même. Alors que les scientifiques, historiquement, étaient plutôt considérés comme ceux qui allaient justement permettre le progrès. Oui, mais je pense que c'est un problème de rhétorique. Parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons notre destin en main. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, peut-être pendant les 10 prochaines années, de dire, bah tiens, on veut finalement un monde moins chaud, je vais le dire vite, mais en tout cas qui a une démarche climatique beaucoup plus positive. On peut protéger certaines espèces qu'on ne pouvait pas auparavant faire. Tous les jours, nous avons de nouvelles espèces qui réapparaissent. Non, mais il ne dépend plus de nous que tout ne dépend que de nous. Il y a des choses irréversibles qui se produisent sur lesquelles on n'aura plus de levier d'action possible. Mais sur le climat, par exemple, il y a un régime balistique qui est engagé. La seule différence, Étienne Klein, c'est que maintenant, vous le savez. Mais ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, vous savez et vous avez la connaissance que les choses se passent de cette manière-là. Auparavant, nous ne le savions pas. Aujourd'hui, nous le savons et c'est une bonne nouvelle que nous avons ces informations-là. Si je reformule ce que vous dites, c'est que nous paniquons d'avoir les informations. Ce n'est pas parce que nous avons les informations de ce qui se passe que nous devons en paniquer. La question, c'est comment j'utilise ces informations et cette connaissance pour justement pouvoir prendre plus notre destin en main. C'est une chance, c'est une opportunité d'avoir ça. Ça n'a rien de pessimiste. Mais vous êtes philosophe, donc vous savez que Hegel avait inventé ces expressions « conscience malheureuse ». Nous sommes dans une conscience malheureuse, c'est-à-dire nous savons ce qu'il faut faire, parce que nous avons des connaissances qui permettent de le savoir, et en même temps, c'est tellement difficile que nous renonçons à le faire. Absolument. De sorte que nous sommes tiraillés entre cette solution que nous savons dire et l'incapacité dans laquelle nous sommes de la réaliser. Oui. La réponse se trouve dans les exercices spirituels. Ou bien vous allez prendre une dimension stoïcienne. Mais ils vont pas diminuer le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Les stoïciens répondent ça de manière très claire. Selon les stoïciens, vous pouvez agir sur ce qui dépend de vous. Alors, il y a une chose qui ne dépend pas de nous, c'est que c'est la fin de cette émission. Je vous remercie, Xavier Pavie, d'être venu nous parler du lien que vous avez théorisé entre l'innovation et la philosophie. Je vous recommande la lecture de votre livre « L'innovation à l'épreuve de la philosophie ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honaud-Dibiot pour « Le temps des écrivains ».